Hâte-toi, Seigneur, au maître. Attends mon cœur au creux d'amertume. Mon âme s'épanche vers toi. Hâte-toi, Seigneur, au maître. Attends mon cœur au creux d'amertume. Même s'il me semble, Seigneur, que tu essouras mes plaintes, même s'il me semble, Seigneur, que tu essouras mener à moi, je sais, Seigneur, que tu m'écoutes. Mener à moi, je sais, Seigneur, que tu m'écoutes. Mon âme s'épanche vers toi. Hâte-toi, Seigneur, maître, attends mon cœur au creux d'amertume. Mon âme s'épanche vers toi. À toi, Seigneur, maître, attends mon cœur au creux d'amertume. Même s'il me semble, Seigneur, que tu essouras mes peines, même s'il me semble, Seigneur, que tu essouras mes peines, ma foi espère toujours à cette glorieuse promesse intarissable, éternelle, grâce infinie. Même s'il me semble, Seigneur, Seigneur, que tu es souverain, mes plaintes. Jésus, que tu m'écoutes. Seigneur, Jésus.